Ce panneau informe que la sortie numéro 10 mène vers les villes de La Grave et Cadalin. Le panonceau, placé sous le panneau d'interdiction, signifie que la vitesse est limitée à 90 km/h maximum sur ce début de voie de décélération. Elle est dégressive, de 20 en 20, au fur et à mesure qu'on approche de la sortie. Le 90 me concerne uniquement si j'emprunte la sortie. Réponse B et C.